Portrait d'assaut sur Fadjet. Maître Philippe Jégou, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du CIMAE, Centre indépendant de médiation, d'arbitrage et d'expertise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qu'est ce Centre indépendant de médiation, d'arbitrage et d'expertise ? Oui, c'est une association qui a pour objet de promouvoir ce qu'on appelle les modes alternatifs de règlement des conflits, c'est-à-dire principalement la médiation, éventuellement l'arbitrage également. Donc c'est une association qui regroupe principalement des médiateurs qui ont reçu une formation initiale à la médiation, une formation solide qui est dispensée par plusieurs organismes, dont la faculté de droit de Nancy au travers d'un diplôme universitaire qui comporte plus de 200 heures de formation et qui sont donc des médiateurs disponibles pour aider à la résolution amiable des conflits de toute nature. La CIMAE existe depuis longtemps à Nancy ? La CIMAE existe depuis 2015. D'accord, donc c'est relativement récent. C'est relativement récent, oui. Et vous en êtes le président depuis l'origine ? J'en suis le président depuis 2020. Comment vous avez connu cette association ? J'ai connu cette association parce que lorsque j'étais avocat, j'avais coutume de dire que j'étais un avocat pas tout à fait comme les autres, puisque, à mon sens, mon métier consistait principalement à éviter à mes clients de fréquenter les tribunaux. Mmh. Donc j'ai toujours été intéressé par ce qu'on appelle les modes amiables de règlement des conflits, parce que si on doit s'en remettre à un contentieux judiciaire, ben, c'est toujours une forme d'échec, puisque les parties n'arrivant pas à s'entendre, on va demander à un juge de trancher la question au travers d'une procédure lourde, longue, coûteuse, oui. Dans laquelle les parties vont sans doute souvent se sentir très éloignées du cœur du sujet, avoir l'impression de perdre un peu la maîtrise de leur dossier, alors que la médiation permet, je dirais, d'en sortir par le haut en regardant la maîtrise de sa décision et la maîtrise de ses concessions. La médiation, il en existe de plusieurs sortes. Nous en avons traité quatre au sein de la CIMAE, la médiation familiale, la médiation civile, la médiation d'entreprise, la médiation administrative, oui. Avec bien sûr des approches différentes. D'une manière générale, tous les conflits peuvent faire l'objet d'une médiation, oui. De quelque nature qu'ils soient, que ce soit des conflits privés, des conflits familiaux, des conflits professionnels, des conflits avec l'administration. D'ailleurs, CIMAE traite des médiations qui lui sont confiées aussi bien par les tribunaux judiciaires, que par les tribunaux administratifs et traite également de ce qu'on appelle les médiations conventionnelles, c'est-à-dire des médiations qui ne sont pas proposées par un juge, mais qui sont mises en place à l'initiative des parties elles-mêmes ou de leurs conseils. Voilà. Alors avant de venir un peu sur comment ça fonctionne la médiation, revenons un peu à l'origine aussi de l'association. Vous avez dit que c'était 2015. Pourquoi a été créée cette association ? À partir de quel constat ? À partir du constat que les modes amiables de règlement avaient vocation à se développer, ce qui a été le cas. Nous ne sommes sans doute encore qu'au début de cette évolution, puisque nous suivons de très loin les pays anglo-saxons et les pays asiatiques. Dans les pays anglo-saxons, la médiation, c'est le mode normal de traitement d'un litige. Plus de 80% ou 90% des dossiers sont traités par voie de médiation, alors qu'en France, c'est encore malheureusement l'inverse. Le plus grand nombre sont traités par voie judiciaire. CIMAE a été créé parce qu'on imaginait que ces modes amiables, la médiation allait se développer assez considérablement dans les années à venir. Et CIMAE a été créé pour promouvoir la médiation et également pour former des médiateurs, car CIMAE est un organisme agréé de formation qui assure des formations initiales et surtout une formation permanente, car tous les médiateurs, une fois qu'ils ont reçu leur formation initiale, demandent leur inscription auprès d'une cour d'appel. Le maintien de cette inscription est subordonné à ce que les médiateurs suivent un minimum de 20 heures de formation continue tous les ans. Voilà, exactement, parce qu'il faut s'adapter à chaque cas, chaque situation nécessite d'avoir quand même pas mal d'expérience aussi. Oui, chaque situation mérite d'avoir d'expérience et la médiation recouvre des domaines extrêmement variés. Et il est important, il y a des aspects méthodologiques, il y a des aspects psychologiques. Le rôle du médiateur est un rôle délicat, puisqu'il doit en quelque sorte faciliter la recherche d'une solution, il ne doit pas l'imposer, il ne doit pas la proposer. La médiation se distingue de la conciliation, en ce sens que le conciliateur va proposer des solutions alors que le médiateur va tenter d'amener les parties à trouver par elles-mêmes la solution à leur litige. Voilà, c'est encore quelque chose d'assez méconnu en France, d'assez peu utilisé, qui se développe, vous le disiez. C'est même obligatoire dans certains cas aujourd'hui d'avoir recours à la médiation. Oui, tout à fait. La médiation est obligatoire dans les litiges de petite importance, pour les litiges ne dépassant pas 5000 euros d'enjeu, ainsi que pour tous les problèmes de voisinage. La médiation a tendance à se développer. Les tribunaux sont invités à proposer des médiations dans le plus grand nombre de dossiers possible, et que ce soit les tribunaux de l'ordre judiciaire ou les tribunaux de l'ordre administratif. Et que le recours aux tribunaux soit vraiment la dernière option possible. Tout à fait. Est-ce que depuis la création de la CIMAE ou même d'ordre général, on a une petite idée de l'ordre de réussite et d'échec un peu des médiations ? Est-ce que ça fonctionne bien ? Ça fonctionne bien. Dès lors que la médiation est engagée, on constate des taux de réussite qui sont largement positifs, qu'on situe généralement de 70 à 80%. Encore faut-il que les parties acceptent de s'engager dans un processus amiable. Si des auditeurs nous écoutent, ont des litiges, que ce soit en famille, au travail, est-ce qu'ils peuvent vous contacter directement ? Bien sûr, nous sommes à leur disposition et nous pouvons mettre en place une médiation en désignant un médiateur ou même souvent deux co-médiateurs, puisque à CIMAE, nous avons l'habitude de traiter les médiations avec deux médiateurs. Ça n'alourdit pas le coût. Qu'il y ait un ou deux médiateurs, le coût de la médiation est identique et il sera réparti entre les parties. C'est un des aspects sur lesquels la médiation se distingue des procédures judiciaires par l'économie de coût qu'elle représente, puisque le coût d'une médiation se chiffre en centaines d'euros, quelques centaines d'euros. C'est 800 à 1000 euros qui sont répartis entre les deux parties s'il y en a deux, entre les trois parties s'il y en a trois, etc., par égalité. Donc le coût d'une médiation ne représente pour une partie que quelques centaines d'euros, alors que bien évidemment, dans le cadre d'un procès, le coût du procès se chiffrera plutôt en milliers d'euros plutôt qu'en centaines d'euros. Donc le calcul est vite fait, effectivement. On vous contacte, après, quel est le déroulé en fait ? Il y a un premier rendez-vous, il faut mettre tout le monde d'accord, il faut que tout le monde veuille bien cette médiation. Alors, si nous sommes saisis d'une médiation, donc CIMAE va désigner deux médiateurs qui remplissent les conditions, évidemment, qui ont reçu une formation initiale, qui justifient de leur formation permanente, d'une assurance. Les médiateurs vont prendre contact avec les parties qu'on appelle les médiés dans le cadre d'une médiation. D'accord. Vont les entendre d'abord individuellement pour savoir quelle est la nature de leur problème, quel est leur ressenti et quels sont leurs souhaits. Lorsque ces entretiens individuels ont eu lieu, le médiateur va réunir l'ensemble des parties dans une séance qu'on appelle une séance plénière et va essayer de les accompagner vers la recherche d'une solution qui passe déjà par l'acceptation pour les uns et pour les autres d'écouter son interlocuteur et ensuite d'aller vers la recherche d'une solution acceptable par l'ensemble des parties en cause. Au cours de cette réunion, il peut y avoir ce qu'on appelle des apartés, c'est-à-dire à l'initiative du médiateur ou des médiés, des entretiens avec l'une ou l'autre des parties. Et bien entendu, toutes les personnes qui ont connaissance et qui sont concernées par une médiation sont, de par la loi, tenues à une stricte obligation de confidentialité. Tout ce qui se dit en médiation ne peut pas sortir de la médiation et en particulier ne peut pas être porté à la connaissance du juge si la médiation échoue et que malheureusement le dossier repart devant le tribunal. Et ça peut être long de faire une médiation ? Alors le calendrier d'une médiation se compte en semaines, si l'on fait un parallèle avec la procédure judiciaire, le calendrier se décompte généralement en années, en médiation on parlera d'une durée de 2 à 3 mois en moyenne pour aboutir, ou malheureusement ne pas aboutir, mais voilà, ça va rarement au-delà. Tout le monde a intérêt en tout cas à tester cette médiation. Tout à fait. Est-ce que parfois d'avoir entamé une médiation dans certains cas a permis d'avoir un déclic et que les parties en présence se disent bah non, tout de suite, la solution se retrouve assez rapidement ? Oui, parce que lorsqu'on accepte le principe d'une médiation, il faut en même temps accepter de se mettre dans une posture un petit peu différente de celle des plaideurs devant un tribunal, dans une posture, comme je vous le disais il y a un instant, d'écoute de l'autre partie. Déjà, il faut accepter d'entendre son contradicteur et il faut également être dans une attitude qui soit ouverte à la recherche d'une solution acceptable. La médiation débouche toujours sur un compromis, c'est-à-dire sur des concessions faites par l'une et l'autre partie pour arriver à un accord. Concessions qui paraissent préférables et meilleures que ce qu'on appelle chez les avocats l'aléa judiciaire. Le plus simple pour démarrer, c'est d'abord de contacter la CIMAE si on est vraiment dans des situations qui pourraient amener à une médiation. Un simple coup de téléphone, un mail suffit ? Tout à fait, il suffit de prendre contact soit par téléphone, soit par mail, et CIMAE interviendra immédiatement. Vous avez dit aussi que vous faites des formations à destination de futurs médiateurs. Oui. À qui sont-elles destinées ? Il n'y a pas de conditions requises à la base pour suivre une formation de médiateur. En pratique, on rencontre dans ces formations bon nombre de responsables à des titres divers dans leurs occupations professionnelles. Bien sûr, beaucoup de juristes, d'avocats, de notaires, mais également d'autres professionnels libéraux, d'autres responsables de services dans les entreprises qui souhaitent justement se former à ces techniques de médiation, de résolution amiable de litiges, ces techniques particulières d'écoute et d'orientation du débat vers une solution positive. Donc un site internet à noter, c'est le www.cimae.eu pour retrouver toutes les informations, pour pouvoir vous contacter et pour en savoir plus. Philippe Gégou, je vous laisse la parole, le dernier mot, le dernier argument pour donner envie aux auditeurs de s'intéresser à la médiation et d'en savoir plus. L'argument essentiel, c'est de garder, encore une fois, la maîtrise de son dossier. C'est de s'épargner tous les effets négatifs et parfois destructeurs de la procédure judiciaire qui va durer des années, qui va être source de soucis importants, qui va engendrer un coût très significatif, alors que la médiation permet, tout en gardant la maîtrise de sa décision, puisque rien ne sera jamais imposé dans une médiation, tout sera librement accepté par chacune des parties, et ça permet de trouver une solution en quelques semaines pour un coût extrêmement limité. Merci beaucoup Philippe Gégou. Merci à vous. C'était Portrait d'assaut sur Fadjet. Pour y participer, écrivez-nous à contact@fadjet.net.